êtes à l'écoute de... De Transjonal. De Transjonal. De Transjonal. De On nous terrorise pour nous mettre les uns contre les autres. Français contre étrangers. Immigrés réguliers contre irréguliers. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à émigrer en quête de conditions de vie moins odieuses. On nous terrorise en dignité. Avec les flics sur le dos et la peur des expulsions, l'État et les patrons poussent des milliers d'individus dans l'ombre, en les rendant encore plus dociles à l'exploitation. On nous terrorise avec le chantage du travail salarié. Soit tu te vends à un patron, soit tu crèves de faim. On nous terrorise avec l'image de l'étranger, barbare et intégriste, pour nous faire accepter plus de restrictions, plus de contrôle, plus de précarité. Ou bien pour nous faire aimer une identité nationale, fausse et vide. Si le capitalisme ne respecte pas de frontières, pourquoi les exploités devraient-ils le faire ? On nous terrorise avec les flics dans les quartiers, avec des rafles policières. La criminalité, c'est le prétexte. Le véritable objectif, c'est de faire baisser la dette à tous. On nous terrorise avec la prison, les expulsions, les camps de rétention. Plus les pauvres se haïssent, plus les riches s'engraissent. On nous terrorise en nous faisant croire que les terroristes sont ceux qui luttent contre l'État et les patrons, et non pas ceux qui bombardent des populations entières, colonisent les territoires en rasant les maisons avec les bulldozers. Il est temps que la peur change de camp. Il est temps que de la haine entre les races, on passe à la solidarité de classe, à la guerre des exploités contre les exploiteurs. Il est temps de se lever et de se mettre en marche. Bon, ben, bonsoir, vous êtes à l'écoute de... De Transjonal. De Transjonal. De Transjonal. De Transjonal. Voilà, bonsoir. Donc, vous êtes bien sur l'émission Tranche d'Anard, l'émission anarchiste de Radio Air Libre, comme tous les mercredis. Enfin non, deux fois par mois, le mercredi. Donc, le premier et le troisième mercredi du mois. Donc, c'est de 20h30 à 22h. Notre adresse, si vous voulez éventuellement passer, mais bon, c'est un peu compliqué, c'est le 365A Chaussée d'Aldenberg, 1190 Bruxelles. Notre numéro de téléphone, si vous voulez nous téléphoner ou nous poser des questions, voilà, c'est le 02 344 58 55, 02 344 58 55. Donc ce soir, nous avons invité certaines femmes du comité des femmes sans papier. Donc il y a Henriette, bonsoir. Bonsoir. Angèle, bonsoir. Bonsoir. Bintou, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc je vais vous demander de vous présenter chacune, de dire voilà, qu'est-ce que, qui vous êtes, voilà, et tout ça. Qui commence ? Je m'appelle Bintou Touré. Je suis l'une des porte-parole du comité des femmes sans papier. Et je suis porte-parole aussi de la coordination des sans-papiers de Belgique et responsable de la VSP Family à XL, avenue de la Couronne. VSP Family, c'est une occupation qui est avenue de la Couronne. Oh oui, c'est une occupation qui est à l'avenue de la Couronne à XL. Ok. Angèle ? Moi, je m'appelle Angèle Ngandou. Je suis parmi les femmes sans-papiers. Je suis dans la coordination des femmes sans-papiers et puis je suis aussi un peu dans d'autres mouvements à la CEC en tant que travailleur sans-papier et à la Ligue de la, des travailleurs sans-papier aussi. La Ligue des travailleurs et travailleurs sans-papier, c'est ça ? Oui. Ok. Henriette ? Moi, c'est Henriette et Samy. Je suis également une des porte-paroles du comité des femmes sans papier que j'ai rejoint il y a 2 ans. Je suis également suppléante au porte-parole européen des personnes sans papier et membre de différents collectifs entre autres. Et voilà, je suis militante, active et engagée dans le mouvement pour de la lutte des personnes sans papiers, qui vise à faire valoir le droit des personnes en situation irrégulière à disposer de critères clairs permettant de faciliter le processus de régularisation. Et nous avons Yanis aussi qui est là. Oui. Bonsoir Yanis. Bonsoir. C'est mon fils. Qui est le fils d'Henriette. Voilà. Alors, donc pourquoi vous êtes réunis ce soir, ou on vous a réunis ici ce soir dans ce studio? On est là ce soir pour parler de l'événement que nous organisons le 20 novembre au Square Albert. Non, Square Franck. Ah, au Square. Jacques Franck. Jacques Franck à Saint-Gilles. Donc, on est là pour parler de cet événement-là, donner les détails et expliquer pourquoi on organise ce match de football. C'est ce qui nous a amenés ici ce soir. Tu peux expliquer un petit peu? Oui, on est là dans la lutte, porter les flambeaux pour exprimer les chagrins des femmes sans papier et montrer aussi que nous voulons que les choses changent avec les matchs de football qu'on est en train d'organiser ce dimanche 20. Et alors, c'est quoi ce match de football? C'est une manière... Pourquoi vous avez organisé un match de football? C'est une manière d'exprimer les soucis des femmes sans papier qui se trouvent en Belgique. Et pourquoi pas, parce qu'au Qatar, il y a eu des boycotts des travailleurs migrants. Et ici aussi, nous avons des femmes sans papier qui sont oubliées par la politique. Qui sont oubliées par les politiques. Ouais. Ouais. En fait... Henriette, j'ai commencé. Vas-y. Bon, ce match de football, en fait, c'est pour... faire rappeler un fait qui est très important. On a vu que tout le monde s'indigne de ce qui se passe au Qatar, l'exploitation des immigrés dans la construction des stades, des routes, etc., des infrastructures en général pour la Coupe du Monde. C'est bien de s'offusquer de ça. Mais il faut se rendre compte qu'en Belgique, il y a 150 000 sans-papiers qui vivent la même situation. Ça fait des années. Il y a même eu la grève de la faim pour qu'il y ait la régularisation, pour que les personnes sans-papiers aient leur droit d'être régularisées en vain. Les sans-papiers, on le sait tous, sont sans travail, sans droit. On est obligé de travailler au noir et... Le travail au noir, elle est sous-payée. Il y a des accidents de travail que la mutuelle ne couvre pas. Il y a les heures qui ne sont pas correctement payées. Donc, ça revient au même. Les personnes sans papier ici en Belgique, ils ont la même situation que les immigrés du Qatar qui ont construit les stades. Donc, nous, on trouve louable que les citoyens belges, que la Belgique s'indigne de ça. Mais ce match de football, c'est pour rappeler qu'ici aussi, il y a des personnes qui sont dans la même situation que ces immigrés au Qatar qui sont en train de travailler, qui vivent la même situation il y a des années. Donc, c'est quelque chose de symbolique pour rappeler et pour visibiliser cette situation qui est quelque chose presque de tabou. On n'en parle pas, on ne se rend pas compte ce que les personnes sans papier vivent ici en Belgique. C'est exactement la même chose, c'est l'exploitation, c'est les personnes qui sont privées de leurs droits, qui n'ont pas droit à une santé correcte, à un traitement dans le domaine de la santé correctement, qui n'ont pas accès à l'assurance quand ils ont des accidents de travail, qui n'ont pas accès... qui travaillent dans le noir avec tous les risques qui y va avec. Donc ce match de football, c'est pour dire qu'il y a la même situation qui se passe ici en Belgique. Donc c'est pour cela que nous avons tenu à organiser ce match de football. pour visibiliser, comme nous l'avons dit, l'invisible. Henriette, tu voulais dire quelque chose ? Oui, c'est essentiellement ce qu'ont partagé Angèle et Bintou. C'est que la raison de cette rencontre, c'est justement de mettre en lumière le non-respect des droits des personnes migrantes présentes en Belgique, mais aussi et surtout ce deux poids deux mesures entre deux réalités pourtant si proches, pourtant proches et similaires, et on parle de traitements inhumains de personnes migrantes et le fait que la terre entière s'indigne de ce qui se passe au Qatar, les Belges y compris. Ce match, cette rencontre est là un peu pour rappeler que justement c'est pas une découverte en soi, étant donné que cela se déroule sous les yeux des Belges quotidiennement. L'exploitation des personnes sans papier se déroule sous le nez des Belges depuis des lustres. Comme le disait Bintou, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes sans papier qui vivent, qui travaillent dans ce pays sans pouvoir exercer le moindre droit fondamental. Et ces drames sur les chantiers de construction publique se jouent également ici en Belgique. Plusieurs incidents, accidents et même des décès ont fait la une de journaux ces dernières années. Et cela n'a pas suscité une vague d'émotion, une vague d'indignation aussi forte, qui soit au niveau justement de cette politique migratoire belge inhumaine. Et il ne faut pas s'y méprendre. C'est toute injustice mérite d'être décriée. Et nous sommes en tant que personnes concernées, nous nous en indignons aussi. Mais le problème, c'est juste comme je le disais, ce deux poids deux mesures. On a affaire à deux bourreaux, le Qatar et la Belgique. Le Qatar, épinglé pour son non-respect des droits humains, et d'un autre côté la Belgique, un pays dit de droit. Mais on a quand même affaire à deux bourreaux qui usent des mêmes outils face au même public et qui rencontrent un traitement différent du public, de ceux qui découvrent entre guillemets ces réalités là et c'est bien de boycotter ce qui se passe de l'autre bout du monde, mais c'est mieux d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe chez soi et s'en offusquer et boycotter également. Je voulais juste dire pour les auditeurs et auditrices qui ne sont pas vraiment liés au football, donc le 20 novembre, le dimanche, vous avez choisi cette date-là parce que c'est le début de l'ouverture des matchs de football du championnat. Justement. Oui, exactement. Ligue mondiale, ouais, tout ça. Ok, d'accord. Oui. Voilà, et maintenant, une petite musique. On va passer une petite musique. On va écouter « No One is Illegal » de David Rovix. Clouds gather in your forests, drift to my desert town, and I think of far off places as the rain is coming down. You're bent down in the fields, picking fruit there from the vine, and it ends up on my table as it moves on down the line. Moon shines brightly in the night sky, river flows from south to north. With changing of the seasons, the birds migrate back and forth. They say that you can't come here, not in the light of day. Somebody has got plans for you, starve at home or hide away. Will we open up the borders, tear down the prison walls, declare that no one is illegal, watch the giant as it falls. much travels across these borders. So much is bought and sold. One way goes the gunships, the other comes the gold. Free trade is like a needle drawing blood straight from your heart. The border's like a prison, keeping friends apart. Will we open up the borders? Tear down the prison walls, declare that no one is illegal. Watch the giant as it falls. Hear the stockholders cheering. The world's getting smaller. Hear the drowning child crying. Why are the fences growing taller? Some whisper in the shadows while others count the dollars. Some have suits and ties, others chains and collars. Will we open up the borders? Tear down the prison walls, declare that no one is illegal. Watch the giant as it falls. May the fortress walls come down. May we meet our sisters and our brothers. Stand arm in arm there in the daylight, no longer fighting one another. Will we stand together? For therein lies our might. Will we understand these words? Workers of the world, unite. Will we open up the borders? Tear down the prison walls. Declare that no one is illegal. No one is illegal. No one. Voilà, ben vous êtes toujours sur l'émission Tranche d'Anarc, l'émission anarchiste de Radio Air Libre. Alors, je voulais vous demander, voilà, sur l'annonce de votre action, et, il est mentionné tout en haut, en gras et en grand, rendre visible l'invisible. Alors, avant toute chose, je voulais vous lire, vous dire voilà, qu'avant la création du comité des femmes en 2015, il y avait des protagonistes de ce comité qui voulaient déjà visibiliser les femmes sans papier. Et surtout les femmes avec enfants. Pour cela, elles avaient demandé aux femmes qui vivaient dans les occupations de se rassembler et de venir se rassembler habillées de blanc entre la place de la Bourse et la place du Brocaire pour se faire connaître en distribuant des tracts. Et puis, sur ces tracts, il y avait tous les problèmes, enfin, tout était relaté, tous les problèmes spécifiques aux femmes, aux femmes sans papier. Voilà. Et donc, c'était pour elle un moyen de sortir de l'isolement. Et pour ces femmes, sortir de l'isolement représentait et représente encore une force assez importante. Et c'est pourquoi ce comité a été créé par la suite. Et alors, il y avait une femme à l'époque qui nous a dit « Avec lui, on se sent unis. Si quelqu'un touche à l'une d'entre nous, c'est comme s'il touchait à toutes. Et ça nous permet de nous retrouver, de parler de nos problèmes, de nos revendications » et nous organiser pour lutter. Et cette même personne disait aussi, on nous a tués deux fois, la première dans notre pays d'origine, la seconde quand on est arrivé ici. On peut voir des femmes sans papier avec un sourire aux lèvres, mais au fond d'elles, il n'y a plus rien, on leur a tout pris. Voilà, et elle disait aussi encore, on est invisible et c'est une violence sociale. C'est une violence sociale, c'est comme si on n'existait pas, nos situations de femmes sont peu prise en compte par l'Office des étrangers. On n'a pas le droit de travailler. Pour une femme, c'est difficile de s'en sortir. Alors imaginez si elle est sans papier. Si une femme sans papier subit des violences, il lui est difficile de demander de l'aide. Elles craignent de s'adresser à la police car elles ont peur de se faire arrêter et expulser. Elles ont pour les mêmes raisons peur de demander une aide médicale. Elles ont fui des violences faites aux femmes et ici, elles font face à une violence sociale. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit ? Ben oui, tout à fait. Nous sommes d'accord avec ce qu'elle dit. Parce que, comme elle a dit, si tu touches à l'une, tu as touché à tout le monde. Être femme sans papier, c'est partager quelque chose de très important qui est être sans droit. Être sans droit, il faut vraiment le vivre dans sa chair pour le comprendre. Il y a vraiment pas de mots pour expliquer tout ce qui se passe dans la tête ni dans le corps des personnes sans papier, ni tout le processus qui les amène à cet état-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que les femmes sans papier ne naissent pas des femmes sans droit. Elles ont une vie d'avant et elles ont une vie de sans papier. Donc, c'est des femmes, comme elle l'a dit, c'est des femmes à qui on a tout enlevé. C'est des femmes à qui ont tout perdu, qui sont quelque part presque... Comme elle l'a dit, vraiment, on partage ce qu'elle a dit, qui sont presque à demi mortes, quoi. Parce qu'elles se retrouvent sans rien, sans droit, alors qu'elles avaient une vie d'avant où elles ont connu leurs droits, où elles ont toujours été privées de ce droit-là. Donc, elles sont en quête permanente de droits qui ne vient jamais. C'est pour eux, c'est un rêve. C'est un combat de vie. C'est quelque chose qu'il faut atteindre, cette indépendance. Donc, ce n'est pas du tout facile à vivre. C'est des femmes qui sont détruites mentalement, psychiquement. C'est des femmes qui souffrent dans leur chair. Et ce qui fait très mal, c'est des femmes qui ne souffrent pas seules. C'est-à-dire, elles ne portent pas en elles leur seule souffrance. Elles portent les souffrances de leurs enfants. Elles portent des souffrances de leur mari. Elles portent des souffrances de toute une famille. Donc, vous voyez, c'est une charge mentale tellement lourde que parfois, c'est des femmes qui sont l'ombre d'elles-mêmes. C'est des femmes qui sont l'ombre d'elles-mêmes. Elles sont là, elles sourient, mais il n'y a rien à l'intérieur, quoi. Angèle ? Le comité des femmes sans papiers nous a beaucoup aidés pour nous sortir de notre misère, de notre angoisse, essayer d'être ensemble, se tenir main dans la main pour aller de l'avant, essayer un peu d'oublier nos soucis quotidiens, rentrer dans la lutte pour avoir des papiers. Et ce qui fait que le comité des femmes sans papiers essaye de lutter aussi pour nous, pour exprimer des questions spécifiques des femmes sans papiers, souvent seules, chefs de famille, vulnérables et exposées à toutes les formes de violence. Le comité fait aussi partie de la coordination des sans-papiers. Et là, nous nous soutenons ensemble pour aller vers le front. Sinon, seul, on n'y arrive pas. Et Henriette, tu as quelque chose à rajouter ? La question de l'invisibilité. L'invisibilité, dire qu'elle est... qu'elle est présente, c'est peu dire, elle est inhérente à chaque aspect de la vie d'une personne sans papier, mais plus particulièrement à chaque aspect de la vie des femmes sans papier. Et il est important de rappeler que cette invisibilité est le fait d'une invisibilisation voulue de la part des machines politiques et médiatiques. Et au-delà du terme, au-delà du mot, cette invisibilisation est une réalité que les personnes sans papier ne connaissent que trop bien, enfin les femmes surtout, vu qu'il est question de nous ici. Pour cause, le portrait fait de la personne migrante par les partis nationalistes afin d'asseoir leur vision xénophobe de la migration est systématiquement dressé au masculin. Et donc, pour la faire courte, la personne migrante, c'est un homme seul, malhonnête, malfaiteur, mais vraiment tout ce qu'il y a de vil, qui vient en Belgique s'accaparer tous les avantages sociaux ou encore économiques dont peuvent bénéficier les citoyens belges. Et donc, en dépeignant ainsi la personne migrante, on invisibilise systématiquement, systématiquement ou automatiquement les femmes. Et en les invisibilisant ainsi dans ce portrait que l'on fait de la personne migrante, on invisibilise, on occulte également leur réalité. On occulte les réalités vécues sur le... sur le parcours migratoire, on occulte les réalités qui ont initié ces parcours migratoires, on occulte leur réalité de vie et de travail en Belgique même. Et les récits des femmes sont constamment contestés. Les réalités de vie sont ignorées. Et cette invisibilisation est assez particulièrement lourde, d'autant plus que la personne migrante est en réalité une migrante dans la plupart des cas, vu que les femmes représentent une grande partie des personnes migrantes qui arrivent en Belgique. Ah ouais. Voilà. Et donc c'est vous ressentez donc une invisibilité constante. Et est-ce que c'est pour ça que vous êtes venu au Comité des femmes sans papiers, pour essayer de vous soutenir et essayer de vous rendre plus visible? Exactement, parce que être sans papiers, c'est comme l'a expliqué Henriette, c'est être invisible. Et quand on est invisible, on ne peut pas se faire voir par une seule personne ne peut pas se battre pour être vue. Parce que même les personnes qui ont tous les droits, les personnes qui sont visibles, ont besoin de solidarité, ont besoin d'aide pour se faire entendre. À plus forte raison, les personnes sans droit, les personnes invisibles. Donc, le comité est là pour se soutenir, pour faire la lutte ensemble et pour mettre des actions en place qui visibilise les personnes sans papier, qui se disent on se soutient les unes comme les autres, comme l'a dit l'autrice de ce texte, pour s'expliquer, pour se dire tu n'es pas la seule dans cette situation. Il y a des milliers de femmes qui sont là, mais ensemble on se bat, on se fait entendre. C'est pourquoi le Comité des femmes sans papiers aujourd'hui est sur le front et on répond à toutes les invitations pour se faire entendre, pour aussi demander la solidarité d'autres personnes, pour demander la solidarité des Belges, pour demander la solidarité de toute personne qui se rend compte qu'être une personne sans papiers, c'est être en danger. C'est être vraiment en danger. Donc au Comité des femmes sans papiers, on se soutient vraiment pour visibiliser pour la lutte, pour visibiliser la cause des personnes sans papier, pour dire attention, il y a des personnes qui sont là, qui souffrent dans le silence, qui sont en train de mourir dans le silence. Parce que être sans papier, on le dit souvent, c'est mourir à petit feu, mais au fil de ces derniers temps, les situations ont prouvé que ce n'est pas que des mots, c'est une réalité. C'est une réalité. Récemment, il y avait un monsieur qui est mort dans sa chambre à XL, dans la VSP de XL. Donc, ce n'est pas que des mots, c'est vraiment une réalité. Aujourd'hui, vous ne pouvez... Toutes les femmes sans papier, 90% des femmes sans papier souffrent des maladies chroniques aujourd'hui. Elles souffrent des maladies qu'elles n'arrivent même pas à s'expliquer. C'est le stress qui fait ça. Donc, le comité des femmes sans papiers, c'est un espace pour ces femmes pour, où on s'organise, on se retrouve tous les jeudis pour au moins se soutenir, se dire des mots encourageants pour qu'on puisse avancer et qu'on ne laisse personne à terre, comme le montre le logo du comité des femmes sans papiers. On essaye de se soutenir, de se tenir la main pour que tout le monde se tienne debout pour avoir les droits. Angèle ? Oui, on se sent invisible parce qu'aucune autorité ne semble nous entendre correctement. On vit dans ces pays, mais on ne nous reconnaît pas. Sans titre de séjour, aux yeux du pouvoir, on n'existe pas. Alors que nous sommes là avec vous, pendant plusieurs années, ici, sans droit. Et dans le comité des femmes, on essaye de témoigner, d'analyser collectivement nos situations, de prendre des paroles pour faire entendre notre voix, de donner nos avis sans nous laisser faire, de nous tenir vraiment main dans la main pour nous en sortir de cette situation des femmes sans papier et de l'invisibilité. Ok, merci Angèle. Et l'organisation de ce match de football, donc c'est un moyen pour vous de vous rendre plus visible, comme d'autres moyens que vous avez eus, parce que vous avez fait quand même pas mal de choses. Vous avez été visible lors de la soirée avec Angèle et Davis. Là, c'était quand même assez impressionnant. Oui, 1700 personnes vous ont applaudi. C'était vraiment très chouette. Et donc, c'est un outil parmi tant d'autres. Et donc, là, c'est un outil symbolique qui vous permet de vous rendre visible. Oui, Henriette, commence après moi. Oui. J'ai envie de répondre à fond. À fond. Parce que. Déjà, j'ai rejoint le comité des femmes sans papiers à travers une occupation que j'occupais en tant qu'habitante, la VSP Family. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, ma conscience politique était en sommeil. Elle était en sommeil et le milieu de la lutte m'était complètement inconnu. À ce moment-là, me nommer ou encore me considérer sans papier, entre guillemets, c'était tellement dur, c'était tellement difficile et ça s'accompagnait d'une peur, la peur d'être stigmatisée, la peur de se voir diminuer, la peur de faire l'objet des représentations caricaturales habituelles. Auxquelles sont sujettes les personnes sans papier parce que comme l'a dit Angèle à un moment donné, dans certains milieux, le fait de ne pas être en possession d'un titre de séjour annihile complètement la perception que le monde extérieur a de nous. Ça semble annuler tout ce que l'on est, tout ce que l'on peut représenter. En termes de qualité, en termes de compétences, ça annule complètement qui l'on est humainement parlant. Et voilà pour en revenir donc à la question de la visibilité que nous a donné a conféré quelque part ma venue au comité des femmes sans papier, comme je le disais, à fond. Les formations dispensées au CFS lors de nos rencontres hebdomadaires ont joué un rôle important justement dans la construction de ma conscience politique que je n'avais pas il y a 2 ans. Et l'outillage en matière de droit au fil de ces rencontres a été d'un grand soutien et a aidé à forger mon courage et la militante que je suis que je suis aujourd'hui. Et c'est sûr qu'à l'instant où on réalise que l'on n'est pas un cas isolé, parce que justement, enfin, et c'est le cas de plusieurs femmes et plusieurs personnes sans papier en général, qui sont en dehors du milieu de la lutte, c'est qu'on a tendance à se dire « Ah bah tiens, en fait, on est seul à vivre cette situation. Enfin, on est seul tout simplement. » Et oui, peut-être qu'il n'y a pas d'issue. Enfin, peut-être que voilà, c'est une situation sans fin, en fait. Et à partir de l'instant donc où on réalise qu'on n'est pas un cas isolé, que les réalités auxquelles on se retrouve confrontés ne sont pas le résultat d'une sélection aléatoire, mais qu'on est plutôt un des nombreux éléments oubliés, écartés, ignorés, qui constituent quand même la chaîne, enfin le maillon le plus précarisé de la chaîne de précarité, bah, c'est sûr qu'à ce moment-là, on veut être visible. À l'instant où on réalise que, en tant que femmes sans papier, nous ne sommes pas juste des objets d'instrumentalisation politique pour les partis nationalistes, par exemple, mais que l'on est plutôt des sujets politiques à part entière, et que l'on a la possibilité de repenser notre place au sein ou en dehors du système, que l'on a la possibilité de s'organiser collectivement autour des oppressions qui jalonnent notre quotidien. Bien sûr qu'on veut devenir visible, on a envie de se réapproprier ses droits, parce que voilà, on arrive à cette conscience-là que personne justement ne viendra nous aider, et on en est tout arrivé à cette réalisation-là, où on se dit, bah, c'est sûr que là, enfin, on va pas attendre que des portes ou que des fenêtres soient ouvertes, enfin, plus haut sur le plan politique, et donc on prend les choses en main, et on s'organise à notre façon, justement pour créer certaines solutions. Et oui, donc on a envie de se réapproprier ses droits, on a envie à ce moment-là de porter haut et fort notre voix, on a envie de renverser les représentations caricaturales à notre sujet. Et enfin, je me permets de penser et de dire que mes camarades ici présentes, toutes celles du comité et moi-même, eh ben, nous portons nos voix et revendications avec brio. Juste interrompre, c'est super que tout ce que vous avez dit, mais il faut vraiment faire une petite pause pour les auditeurs et les auditrices d'écouter. D'accord. Je propose qu'on écoute le clip, bon, il est ancien peut-être, la coordination sans papier qui a été fait, mais comme comité des femmes sans papier, vous faites partie de la coordination et ça reste quand même l'actualité. Et après on peut rebonder sur les choses pratiques, qu'est-ce qui se passe. Avant, j'ai pas papier. Sans papier, nous sommes tous des humains. La liberté pour tous, l'égalité pour tous, justice pour tous, travail pour tous, solidarité pour tous, l'éducation pour tous, fraternité pour tous. C'est la loi, il faut changer. Oh là là, hey. manifestations, stop aux expulsions, stop aux centres fermés. Pour les amoureux sans papier, pour les enfants scolarisés sans papier, pour les malades sans papier. Ni frontières, ni nation, liberté de circulation, liberté d'installation. Donnez-nous les papiers, y'en a marre de crier. Donnez-nous les papiers, y'en a marre de marcher. Donnez-nous les papiers, y'en a marre de crier. Donnez-nous les papiers, y'en a marre de marcher. Oh là là, oh lélé, solidarité avec les sans-papiers. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi. Voilà, donc nous sommes toujours sur Tranche de Nard. On va parler un petit peu de l'organisation de cette action qui va avoir lieu dimanche. Oui. Comment ça va se passer? D'abord, ça se passe, je sais, au square Jacques-Franck qui est à Saint-Gilles. Et le square Jacques-Franck se trouve tout près de la porte de Halle, dans le bas de la porte de Halle, donc en allant vers la chaussée de forêt. Et en face du carrefour, pour ceux qui connaissent. Oui, il y a une grande tour là, et c'est au pied de la tour. Voilà. Et donc, comment va se passer l'organisation? Comment ça va se faire? Comment ça a été organisé? Les maillots, voilà, et tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre ça en charge? J'enchaîne. Ariette conclura avec la santé mentale et Angèle. Angèle me complétera. Les maillots, je commence. Oui, vas-y. Bon, le match, ça va se dérouler, comme tu l'as dit, au square Jacques-Franck. Ça commence à 14h. Nous invitons toutes les personnes sans papiers et toutes les personnes qui soutiennent les sans papiers ici en Belgique à venir voir le match. Parce que c'est pour visibiliser, c'est un match de football, mais c'est quand même politique. C'est pour faire passer un message, c'est pour dire que nous sommes là, les personnes sans papiers sont là, elles sont exploitées et nous demandons le droit pour les personnes sans papiers. Donc ça commence à 14h, c'est de 14h à 16h30, avec une équipe féminine saint-gilloise. Et les personnes sans papier vont porter chacune des maillots avec les numéros du nombre d'années qu'elles ont passé ici en Belgique. Il y en a qui vont porter le numéro 7, 7 ans sans droit, 10 ans sans droit, 11 ans sans droit. 8 ans sans droit, 3 ans sans droit, 2 ans sans droit. Il y aura des doublons dans les numéros. Alors. Ben oui, normal, ben oui. Il y aura des doublons dans les numéros parce que. Ben oui, effectivement. Le but, c'est ça, faire comprendre au public que oui, il y a des femmes qui sont là depuis des années, elles sont sans droit. Moi, je sais que j'aurai un numéro 7 parce que j'aurai 7 ans de soutien des femmes sans papier. Yes! Oui! Oui, donc voilà, c'est ça. Donc, il y aura des flyers qu'on va donner dans le public. Et il y aura des slogans aussi que nous avons déjà imprimés. Puis il y aura des discours. Des discours. Il y aura aussi des discours politiques, oui, que les femmes vont dire. Oui. Et voilà, quoi. Il y aura de l'ambiance. On, oui, fera tout cela dans un cocktail de... Mais ne vous de, attendez pas à avoir un match qui dure une heure, parce que ça ne sera pas possible. Parce que ben oui, C'est des femmes qui n'ont déjà plus de souffle parce qu'elles ont trop couru par-ci, par-là pour parmi les dossiers. Femmes sans papier, il y en a qui vont peut-être jouer 5 minutes, donc il faudra qu'il y en a d'autres qui les remplacent, donc ça va être mais un peu compliqué. Mais oui, parce que... Ça sera déjà, un match inhabituel. Déjà, il y a le nombre, parce qu'au comité des femmes, il y a eu 30 de femmes, voilà. Donc il faut que symboliquement, chaque femme vienne courir dans le terrain et dire que je suis là depuis un tel nombre d'années. Donc voilà. Alors normalement, il y aura une première mi-temps où il y aura les femmes sans papier contre l'équipe féminine de Saint-Gilles. Exactement. Et puis à la deuxième mi-temps, mais la première mi-temps va durer peut-être 20 minutes, peut-être même pas 20 minutes, non, mais je sais pas, un quart d'heure peut-être. Plus, nous sommes plus sportives que ça. Hein ah bah oui, quand même. Ah oui, hein, quand même. Et puis à la deuxième mi-temps, il y aura un mélange de l'équipe féminine ouais. de Saint-Gilles avec les femmes sans papier femmes inversement. Sans papier, oui. Voilà. Exactement. Donc, c'est pour montrer qu'on peut se mélanger, on peut s'unir. Voilà. Et oui. En fait, les dimanches 20 novembre 2022, nous voulons seulement nous rendre visibles en organisant les matchs de foot à la même date de l'ouverture de la Coupe du Monde au Qatar. Cette Coupe du Monde est boycottée par plusieurs personnes parce que le Qatar est un pays qui ne respectent pas le loi humain, les droits humains. Or, ce n'est pas le seul pays au monde qui ne respecte pas les droits humains. Nous, en tant que femmes sans papier en Belgique, nous sommes sans droit. Je pense que ça veut dire aussi que la Belgique ne respecte pas les droits humains. Ici aussi, on nous exploite dans le travail, et on est mal logé, et on ne travaille pas, et on n'a pas accès aux formations. Tout ça, le non-respect des droits humains. En fait, et nous vous invitons à venir, c'est pour visibiliser et montrer que la Belgique doit aussi respecter les droits humains. Nous sommes des femmes, nous avons un cœur de mère, nous portons les enfants, nous portons nos familles et nous portons tous les soucis de la société. En tant que femmes, nous espérons que la Belgique pourra changer des visages envers les femmes. Nous invitons les politiciens à nous écouter, à venir aussi des partis politiques à nous soutenir. Ces jours-là, nous avons besoin de tout le monde, des hommes qui aiment bien la foot, des femmes aussi, pour qu'ils soient là, écouter, voir et vivre. Les gens qui sont loin des femmes sans papier ne savent pas de quoi ces femmes vivent. Et quand ils seront à côté de nous, ils nous verront, et nous allons avoir le temps d'échanger, de parler pour expliquer, demander aux politiques, demander aux citoyens belges de nous soutenir pour nous sortir de cette situation. Merci, Angèle. Voilà, donc on va repasser encore un petit morceau de musique avant la santé mentale. So sara mane muso dambe mane muso kende bamako mbaka kene muso ne gipur muso ne minni dona be bamako aliye nyena temasi ne sogoya aliye lenyinte masi nyela goya dressed like a queen in blue red, yellow dresses, women in Bamako are beautiful. Oh, Mali Mousso, I miss your smile. When I hear your laughter, Soro musola, Nemadan soro mulobaola, Neve fuli bila musoye, oh musoya, akuma fuba kachande, oh musoya, awele keba manchanga. Se de ala e barabe monso bolu Chemana nya furuso muso Chemana tinya furuso muso Demana nya awolo ba muso Demana tinya awolo ba muso Mbana bau Fama bau ni naloma ni banabato Awolo ba gani uladomba Every day they face their destiny Shirtless, barefoot, under the sun Women in Africa are strong Oh, Farafina Musso, I miss your smile I wanna hear your laughter I admire the courage you face your destiny with. Oh, Farafina Musso, I miss your smile. I wanna hear your laughter. My inspiration is drawn from you. Can do. I want it to be a tribute to you. Oh, Farafina Musso, I miss your smile. Mali Musso, dama chokani. Farafina Musso, sarabaula. Muso dama chokani Farafina muso sarabaula Mali muso dama chokani Farafina muso sarabaula Mali muso dama chokani Farafina muso sarabaula On vient d'écouter Rokia Traoré avec la chanson Sarama. Nous sommes donc toujours sur Tranche d'Anard. Venez soutenir tout le monde à ce match parce que les femmes en ont besoin, qu'elles soient soutenues et qu'elles soient. Voilà, c'est important. On avait éventuellement voulu évoquer la problématique de la santé mentale. On va essayer de passer, c'est Henriette qui avait proposé ce sujet. Et donc, on voulait passer en premier lieu un extrait d'une intervention d'une intervention qui a été à la Chambre lors du débat concernant la pétition relative à une proposition de loi citoyenne sur la régularisation. C'est une femme qui fait partie du service de santé mentale Ulysse et qui s'appelle Sian Gunesh. Et ce service donc, de santé mentale Ulysse, ce service donc, a pour objet de faciliter l'accès à l'aide en santé mentale aux personnes exilées en précarité de séjour et en souffrance psychologique, quel que soit leur pays d'origine, leur appartenance et les raisons de leur départ. Donc, est-ce qu'on peut avoir le début de l'intervention de cette femme ? Et je t'arrêterai au milieu pour dire quand est-ce qu'il faut arrêter. Merci. Je vais poursuivre avec les interventions d'experts travaillant avec des personnes sans papier. Une intervention relative à la santé mentale, tout d'abord, des personnes sans papier, par Sian Gunes ou Gun. Bonjour, madame. Bonjour. Le service de santé mentale Ulysse reçoit depuis 20 ans des personnes exilées en précarité de droit de séjour. Au fil des années, nous constatons une détérioration nette de la santé mentale de ces personnes. Si les raisons qui contraignent à l'exil sont diverses et variées, elles sont toutes sources de grandes souffrances psychiques. Les conditions dans lesquelles les personnes se retrouvent en Belgique ont elles aussi un impact fondamental sur la santé mentale. L'enjeu est de taille. Soigner les séquelles du passé et retrouver le droit à une vie dans des conditions dignes et pacifiées. Dans l'épreuve d'atteindre un droit de vivre en Belgique, avec et parmi d'autres, les effets que nous avons pu objectiver cliniquement de façon écrasante sont les suivants. Angoisse généralisée, sentiment de danger permanent, ressassement des violences du passé, idées dépressives, troubles cognitifs et somatiques, sentiment d'une vie qui vaut rien, etc. Et Madame Assemia vous a décrit toute une autre série de signes et de conséquences. Mais d'abord, la précarité de droit de séjour expose les individus à des violences quotidiennes objectives. Exploitation sexuelle, exploitation au travail, insuffisance alimentaire, développement ou aggravation de maladies somatiques ou psychiques, absence de soins et tous les dangers d'une vie à la rue. Nombre de points mériteraient d'être abordés ici, mais peut-être pourrions-nous éclairer cette commission sur deux aspects. Le premier, le sentiment d'être soumis à une procédure de reconnaissance légale qui est arbitraire et aléatoire. Ce qui désespère concrètement nos patients, c'est l'illusion qu'il existerait des règles auxquelles ils pourraient se conformer pour obtenir le droit au séjour. Ce qui les anéantit psychologiquement, outre les blessures anciennes, les années passées à se cacher, à vivre dans la misère, c'est l'espoir suscité et déçu d'enfin pouvoir réunir les éléments supposés nécessaires, supposés, car aucun critère clair n'est défini. Les personnes en attente d'un séjour ont l'impression d'être les victimes et les jouets d'une instance toute puissante, capricieuse, qui change sans cesse les règles d'un jeu dont l'objet est leur existence et celle de leur famille. Les conséquences sur leur psychisme sont ravageuses. Telle pour ce jeune arrivé en Belgique MENA qui obtient un diplôme d'infirmier ici et qui, malgré la pandémie, reçoit une réponse négative à son 9 bis. Mais surtout, et c'est le second point, être en précarité de séjour. Voilà, donc on n'a passé qu'un extrait parce que le discours est un peu plus long. Pourquoi vouloir parler de... Enfin bon, c'est important, la santé mentale, mais est-ce que pour vous, les angoisses que vous... Est-ce qu'il y a beaucoup de gens dans votre milieu qui ont des angoisses voilà, et parler de cette santé mentale. Henriette, tu peux intervenir ? Justement, on l'a évoqué en long et en large. Les réalités de vie des personnes sans papier, les différents aspects de cette vie forcément génèrent un stress que l'on ne peut comprendre tant qu'on n'a pas soi-même fait l'expérience d'une vie sans papier, d'une vie sans droit. Et oui, c'est sûr que l'impact de cette vie, de ces réalités auxquelles nous sommes confrontés, est lourd sur notre santé mentale. Ce que j'ai envie de dire, c'est que en tant que femme, la société a une certaine propension à se reposer sur l'étiquette maternelle qu'elle nous impose. On est censé constamment materner, constamment prendre soin des autres. On a l'impression de se promener constamment avec une sorte de cape d'invincibilité. On est un peu des surhumaines que rien ne peut affaiblir. On est censé tout affronter. Rester comme des blocs de glace en fait face à tout ce que l'on affronte. Et aussi lorsque dans un cas comme le mien on est aussi mère au sens propre, ou que l'on a des responsabilités en tout genre, qu'elles soient familiales ou d'ordre conjugal, notre attention est constamment portée vers les autres. Dans notre cas, je parle de mes camarades de lutte et moi-même, lorsque on porte une lutte par laquelle on est concerné et que l'on vit soi-même dans sa chair, il est difficile de trouver le parfait équilibre entre les deux, entre notre vie, nos réalités et cette lutte que l'on porte, vu que, enfin, on est concerné par cela, donc on ne sait pas véritablement dissocier les deux. Et donc cette limite est assez mince lorsqu'on vit cette lutte que l'on porte dans sa chair. Et j'ai envie de dire que penser à soi, prendre soin de soi quand on est une femme sans papier est censé être un prérequis plutôt qu'une récompense, parce que on porte constamment le monde sur nos épaules, on porte constamment notre situation sur nos épaules, la situation de ceux qui nous entourent sur nos épaules, qu'on en oublie de penser à soi. Et il est important pour nous de mettre cela en avant, d'élargir un peu plus les discussions la place de la santé mentale pour les personnes sans papier ou pour toutes les personnes en situation d'exclusion ou encore de précarité extrême. Et je ne peux que renchérir sur le fait le stress quotidien, les violences, l'exploitation, l'absence de droits, le poids des responsabilités individuelles jouent et pèsent énormément sur le mental des femmes sans papier. Et il est important pour nous que la place du soin de son mental, la place de la question même de la santé mentale soit mise en avant au sein des collectifs que nous traversons, que nous côtoyons, dont nous faisons partie. Ouais. Angèle. Bon, Angèle, toi, tu m'avais dit, quand on avait préparé l'émission, que ça serait bien qu'au niveau du comité et tout ça, qu'on puisse avoir accès à une psychologue, si jamais on avait envie de parler. Oui, est-ce oui. que c'est pour toi important? Oui, je voulais bien qu'on puisse avoir des formations sur la santé mentale, et parce que plusieurs femmes sont dans des situations compliquées mentales. Qu'il y ait quand même des formations pour que les femmes puissent se retrouver et essayer de un peu respirer. Ah, c'est au niveau de la formation que tu voulais, toi. Ce n'était pas au niveau de, qu'il y ait une psychologue qui, de temps en temps, puisse vous voir. Une psychologue qui vient pour les femmes au CFS et puis pour aider dans ce sens-là, ce que je voulais bien. Ah, okay. Pour aider à évacuer, si je peux rajouter, parce que constamment, on a tendance à se renvoyer au dernier plan, et je pense qu'on a oublié comment évacuer aussi au milieu de tout ce stress, de toutes ces réalités. difficile. Vous parlez beaucoup de CFS. CFS même. Ok. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est? Parce que je ne sais pas très clair que vous vous rencontrez là-bas et pourquoi. Ouais. Ben, le CFS, c'est un organisme qui se trouve dans les locaux de l'Université populaire et qui s'appelle Contrat Formation Société, c'est ça? Oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Oui. Et alors, on s'est... On le prononcer sans penser à la définition. En fait, tous les jeudis, il y a une formation qui est donnée par Serge Bagamboula et Modou... Voilà. Et sur une formation en éducation permanente avec... Avec le comité des femmes sans papiers. Et donc, elles sont là. Et c'est pour ça qu'elles vont tout le temps au CFS le jeudi, tous les matins, entre 9h et 13h. Voilà. En fait, j'aimerais rajouter quelque chose concernant la santé mentale. La santé mentale pour les personnes sans papiers, c'est une question centrale. Parce que j'avais commencé mes propos par ça. Quand on est sans papier, on n'est jamais en bonne santé. C'est pas que des paroles. Il y a des personnes qui viennent ici, au départ, elles sont en très bonne santé, mais au bout d'un an de vie sans papier, ces personnes-là se retrouvent avec des maladies chroniques, avec des insomnies. Moi, j'ai jamais vu un sans-papier qui me dit que moi, je dors normalement. Nous, à 1h du matin, on a un slogan. À 1h du matin, il n'y a aucun problème à appeler une personne sans-papier parce qu'elle ne dort pas. Ça, elle ne dort pas. Aucun sans-papier ne pourra te dire « Non, tu as appelé à 1h, je dors, mais c'est faux. » Donc, on a l'habitude, on se passe le mot, on s'appelle quand on veut. Parce que le sommeil, c'est pas pour une personne sans papier. Le sommeil a voyagé. Et imaginez une personne normale a droit à 8 heures de sommeil. Et quelqu'un qui ne dort pas, le sommeil ne vient pas. Mais la personne n'est pas en bonne santé. Elle n'est plus en bonne santé. Il arrive que les personnes sans papier, moi j'étais avec une femme, on avait vu la pluie qui s'annonçait. On nous avait dit que la Belgique était... La météo avait prévu que la Belgique était en orange, des choses, des termes comme ça, par rapport à l'orage. Moi, je n'avais pas suivi l'info, mais la femme, elle voulait tellement aller chez son avocat. Elle me dit, non, Bintou, on sort, il est l'heure, allons-y. Mais le vent allait l'emporter. Hein. Le vent allait l'emporter. Il a fallu que je m'agrippe au truc pour les arrêts bus, là, et que je la tire, elle était partie. Une personne normale qui est bien dans sa tête, on ne peut pas annoncer qu'il y a l'orage et puis tu te permets de sortir. Donc, vous voyez, les personnes sans papier sont vraiment des personnes qui sont en proie à des maladies mentales, je dirais très graves. Ce n'est pas des fous, ils ne sont pas fous. On n'est pas des fous, mais il faut en prendre soin. Quoi. Il faut, oui. C'est normal qu'on ait besoin de psychologues. Et vous avez accès à des services de psychologie ou de psychiatrie? Ben oui, oui, ça, on a accès. Il y a le service Ulysse, oui. La femme qui a intervenu, leur oui. ASBL s'occupe des personnes sans papier. Il y a aussi une ASBL à la rue Méridien, qui s'appelle Méridien, je pense. Là-bas aussi, il y a des psychologues. Et ça, vous je pense y aller que sans dans problème. La plupart des ASBL qui s'occupent des personnes sans papier, il y a des psychologues parce que c'est central, quoi. Mm-hmm. À la question. Les gens y vont d'eux-mêmes ou alors c'est parce qu'on leur dit d'y aller Bon, il y a des personnes qui ne se rendent pas compte parce qu'il y a une chose très importante que j'aimerais relever ici. Chez nous, en Afrique, la psychologie n'est pas... C'est pas une question taboue, mais on ne s'en rend pas compte. On n'en a pas vraiment besoin. C'est ça le mot. Parce que moi, quand on me parlait de psychologue, je pensais que c'est les personnes qui travaillent en psychiatrie. C'est en Europe ici que je me suis rendu compte que les psychologues, ils sont importants. Parce que personnellement, moi, les psychologues m'ont beaucoup aidé à me reconstruire. Ils m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont fait comprendre des aspects. Il y avait des choses qui se passaient dans ma vie que je ne comprenais pas. Il a fallu des psychologues, il a fallu un travail de plusieurs années pour mettre les choses en place qui n'allaient plus. Donc, il y a une question culturelle par rapport à la question de psychologie. Et les personnes sans papier ont besoin, je comprends ce que mes camarades veulent dire, elles ont besoin qu'on communique assez sur le rôle des psychologues dans la vie des personnes sans papier, parce qu'elle est vraiment très importante. Il y a des ASBL qui ont des psychologues, mais moi je pense que ce n'est pas assez vulgarisé, parce que ce n'est pas tous les sans-papiers qui sont informés, qui savent que les psychologues sont là, qui peuvent aider. Donc il serait vraiment bien, ce que la question que Angèle amène là, il serait vraiment important que le comité de femmes sans-papiers cherche des psychologues pour venir aider les femmes. Parce que c'est au fil des années que ces femmes se rendent compte qu'elles ont besoin de psychologues. Mais quand elles viennent d'arriver, elles ne se rendent pas compte parce que ce n'est pas dans nos cultures. Ce n'est pas au préalable dans nos cultures. Donc c'est ici qu'on se rend compte. Donc c'est une question centrale. Ils jouent un rôle vraiment très très important dans la vie des personnes sans papiers. Ok. Ben, merci. Donc on va passer un petit morceau de musique. Et sur la demande de Henriette, une chanson qui est liée à ce qu'on vient de parler de, sur la santé mentale, Sumerian Boy de Musa Case. It is with the heaviest of hearts that I stand before the women and the girls of South Africa this evening to talk about another pandemic that is raging in our country. The killing of women and children by the men of our country. As a man, as a husband, and as a father to daughters, I am appalled at what is no less than a war that is being waged against the women and the children of our country. Thank you. Nous sommes toujours sur Transdana. Donc, voilà, on va vous... donc, le 25 novembre, il y a la Journée internationale des luttes contre les violences faites aux femmes. Alors, est-ce que c'est une... Vous allez pas... Est-ce que vous allez participer à quelque chose? Je sais que... est-ce que donc je sais que Bintou vient de me parler qu'il y a une association qui lutte pour le droit des femmes kurdes et qui ont fait un appel au comité des femmes sans papier. Il faut que j'en parle demain à la, au CFS pour une marche qui aura lieu avec les femmes kurdes donc le 25 novembre. Mais qu'est-ce que représente cette journée du 25 novembre pour vous? La journée du 25 novembre, c'est la journée contre les violences faites aux femmes. Oui. Oui, et l'année dernière, le comité des femmes avait organisé une un colloque à ce sujet où on avait dénoncé les violences subies par les femmes sans papier. Et c'est une journée qui est très importante pour les femmes sans papier parce qu'on sait que toutes les femmes subissent des violences à divers degrés. Mais vraiment, les femmes sans papier, c'est des femmes qui sont au bout de la chaîne de toutes les violences. Nous sommes à la ligne rouge des violences faites aux femmes sans papier. Donc voilà, c'est une journée qui est très importante pour le comité des femmes sans papier. Et c'est une journée au cours desquelles on compte dénoncer les violences que subissent les personnes sans papier. Henriette? Oui, Bintou a tout dit. voilà, ce que je rajouterais, c'est... voilà encore cette question de visibilisation de notre lutte. Et une telle journée est une occasion justement de mettre en lumière toutes les violences que subissent les femmes sans papier dans toutes les sphères de leur vie. Et toute occasion, tant qu'elle est noble, si je peux le dire ainsi, et qu'elle est dans le respect, qu'elle est inscrite dans le respect de nos personnes, est bonne justement pour visibiliser notre lutte. Et l'un de nos objectifs justement, c'est d'occuper efficacement les espaces physiques, médiatiques à notre disposition. Angèle? C'est une journée que les femmes sans papier va vraiment essayer de s'exprimer aussi. Parce que s'il y a la violence parmi les femmes ou les hommes qui ont des papiers, qui ont déjà leur vie meilleure, et pourtant, nous, les sans papiers, on a des violences partout. Partout, moi... Et je peux donner un exemple. Un jour, j'étais à la porte des Halles et j'ai passé sous la marche piéton. Il y a eu un monsieur qui m'est rentré dans la poitrine très fort et j'étais un peu distraite comme ça. Bon, il y avait des jeunes filles derrière moi et j'ai sursauté. Après, il me dira, madame, et pourquoi vous l'avez laissé les messieurs partir? Je les ai dit, mais je suis dépassée. Je ne sais pas quoi faire, quoi dire. Qu'est-ce que je veux faire? Je ne pouvais pas dire à ces deux jeunes filles que je suis une femme sans papier. Je n'ai pas droit de dire à ce monsieur pourquoi tu m'as fait ça. Et le monsieur, il ne sait pas que moi, je suis un sans papier. Et c'était très fort. J'ai pleuré. Je me suis dit, oh mon Dieu. Qu'est-ce que je peux exprimer? C'était fort. Je suis partie avec des larmes aux yeux. Et ma journée était foutue. Okay. Donc, on va profiter de cette occasion pour essayer d'élever la voix, de parler aussi de nous. Super. Donc, on va essayer d'aller... on est sollicité pour cette marche, justement, avec les femmes kurdes. Et le combat des femmes kurdes, c'est quand même aussi hyper important. Et donc, tout à fait. Et donc, je pense que si ça peut se faire, ça pourrait être bien. Voilà. Oui, nous le pensons aussi. Et elles vont venir nous solliciter aussi le 20 novembre ? Oui, on les a invitées aussi, naturellement. Ok. Bon, bah, écoutez, merci à toutes les trois d'être venues. Maintenant, on va passer à l'agenda, parce qu'il faut quand même en parler un peu. Et puis, donc, on va demander aux auditeurs et aux auditrices de venir nous soutenir, enfin, de venir soutenir toutes ces femmes qui luttent et qui essayent de se sortir de la situation dans laquelle elles sont. Et en faisant des actions, en faisant des manifestations, en participant à des choses importantes. Et donc, ce serait important qu'il y ait quand même beaucoup de monde qui puisse les ovationner quand elles seront sur le terrain de football. En train de courir comme des escargots. Ben non, je crois qu'on est habitué à force de courir dans tous les sens avec toute cette charge que l'on porte. Ben forcément, on va se défendre sur le terrain. Ok, en tout cas, faut merci. Pas nous sous-estimer. En tout cas. Merci beaucoup à toutes les trois d'être venues. Merci à toi. Merci. Voilà. Donc on va passer directement à l'agenda. Alors, je vais passer directement. Donc du 10 au 25 novembre 2022, partout et surtout où tu veux, Belgique. Donc à l'approche du Black Friday, un appel à lancer à qui veut à se battre contre la pub et rejoindre le round 3 des Zap Games. Alors si vous voulez avoir des informations, il faut aller voir en ligne sur Zap Games. Jeudi 17 novembre 2022, toute la journée, place des congrès à Bruxelles. Face à l'augmentation du coût de la vie, c'est la dèche. La Fédération des étudiants francophones appelle donc tous et toutes les étudiants et étudiantes à se mobiliser, à signer une pétition pour lutter contre l'augmentation du coût de la vie. Alors la pétition et info, c'est ici sur https://linktr.ee/c-la-dèche en un seul mot. 17 novembre 2022, de 18h30 à 21h30, à Bruxelles Laïque, avenue Stalingrad numéro 18 à 1000 Bruxelles, il y aura une conférence communisme et stratégie avec Isabelle Caro dans le cadre d'un cycle de conférences sur le thème « Dépasser le capitalisme ». Alors le nombre de places est limité, il faut s'inscrire par mail à l'adresse info@grecea.be ou via un formulaire à retrouver sur le site du Grecea. 17 novembre également, de 19h à 22h, à la librairie Parchemin rue Berthelot, 116 1190 Forêt, la revue Z sera accueillie pour une représentation du 15e numéro intitulé « Montagne limousine, forêt désenchantée ». La revue Z est une revue itinérante d'enquête et de critique sociale. Vendredi 18 novembre, toute la journée, le centre culturel de Namur, abattoir de Baumel, traverse des Muses, 18 5000 Namur, lance une campagne commune du statut de cohabitant-cohabitante 100% perdante. C'est une journée entièrement gratuite, mais il y a une réservation nécessaire. Alors, il y a un https://bit.ly/3ci en majuscule, 7F minuscule, M majuscule P. Si vous n'avez pas retenu, vous pouvez toujours regarder sur le site du Stud Info. Alors, le vendredi 18 novembre, ainsi que le 25 novembre, le 6 décembre et le 9 décembre, donc de 9h30 à 12h30, l'Université populaire d'Anderlecht, rue Lambert-Crick, 19 070, organise des formations sur le droit au logement. Alors, l'inscription s'élève à 30 € par participant et par formation pour les formations d'une matinée, mais pour les non professionnels et les non. Voilà, si le coût de la formation est un frein, il faut les contacter. Alors l'inscription, il suffit de compléter un formulaire d'inscription en ligne et ensuite vous recevez un mail de confirmation de votre inscription une semaine avant la formation. Alors donc il faut voir sur le site du RBDH, donc c'est http://rdbh-bbrow.be/formation/. Alors, le 18 novembre 2022, ainsi que le 20 novembre 2022, de 19h à 22h, rue Ropsy-Saudron 63 à Anderlecht, dans le cadre du festival Coucou Puissant 2022, la petite maison Sally au collectif CAAB et à Getting the Voice Out. Alors, pour proposer deux soirées d'écoute du podcast Lance-Pierre, qui a été créé par Getting the Voice Out, pour expliquer ce qu'est un centre fermé, ce qu'est Getting the Voice Out et pour briser les frontières. Alors les places sont limitées, les réservations sont conseillées à lapetitemaison.org@gmail.com ou via notre page Facebook. Alors, le vendredi 18 novembre de 19h à 21h30, ainsi que le 25 novembre 2022 aux mêmes heures, le DK 70 rue du Danemark à 1060 Bruxelles, dans le cadre de ZAD nulle part, ZAD partout, ZAD toujours, il y aura deux conférences. Une qui s'appelle « Tous les villages restent, rencontre avec des camarades d'Allemagne ». La deuxième, c'est « Premiers de cordée et Notre-Dame des luttes et des projections ». Vendredi 18 novembre 2022 à 20h15, de 20h15 à 22h30, l'UPJB rue de la Victoire 51 à Bruxelles recevra Karine Clément et Aude Merlin. Alors l'agression contre l'Ukraine est aussi une tentative de Poutine d'écraser toute opposition politique et sociale en Russie contre son projet de développer un impérialisme qui se revendique ouvertement de la tradition tsariste. Alors il y a une inscription à info@upjb.be. Le tarif est 6 euros, prix membre 4 euros, tarif réduit pour chômeurs étudiants 2 euros et il y a un tarif de soutien 8 euros. Alors, le paiement se fait sur place et en espèces. Alors, voir en ligne sur l'Union des progressistes juifs de Belgique, UPJB. Alors, le 20 novembre 2022, 14h-16h30, au Square Jacques Franck. Donc, voilà, il y a le match de football pour la régularisation, rendre l'invisible visible. Action match de football pour la régularisation, mis en place par le Comité des femmes sans papier dans le cadre du boycott de la Coupe du monde de football au Qatar. Venez-y nombreux, excusez-moi. Le 21 novembre 2022, de 18h à 21h, au Librex, 65 rue Konrads, à 1060 Bruxelles, il y a un arpentage. Alors, un arpentage, c'est une lecture collective. La Brèche, le journal du Génépi Belgique. Donc, c'est une soirée consacrée à la lecture collective. La Brèche est un journal d'analyse critique du monde carcéral, passeur des voix qui le peuplent ou qui y sont confrontés. Donc le prix est gratuit, c'est gratuit. Il faut apporter ce qu'on veut à boire et à manger. Alors il y a une inscription en remplissant un formulaire avant le 16 novembre 2022, donc avant d'aujourd'hui je crois. Voir le site du centre Librex, il y a un maximum de 15 personnes. Et pour contacter, il y a mfrançois@centrelibrex.be ou mborenzztejn, alors mborenzztejn@ligdh.be. C'est la Ligue des droits humains. Donc le 21 novembre 2022 de 18h30 à 21h30, le Centre polyculturel en résistance à Liège, Jean Rouel 11, 4000 Liège, organise une assemblée publique du Front antifasciste de Liège. Le 22 novembre 2022, toute la journée, aux deux Cricolards, rue Gallet 86 à Scarbeek, il y a une projection, mais qui veut changer Leeds? C'est dans le cadre des ateliers urbains, c'est le numéro 20. C'est un film collectif parce qu'au nord de Bruxelles, la place Litz est un lieu phare au centre de quartiers populaires. En 2032, une station de métro 3 y verra le jour et nous annonçons « Il changera tout ». Film sur l'impossible démocratie de l'urbanisme des grands projets, mais qui veut changer Litz sonde les non-dits des autorités publiques qui pensent la ville loin de ses habitants et de ses habitantes. Donc il faut réserver, c'est réservation@cvb.be. Alors ensuite, le 22 novembre 2022, toute la journée au CFS, 26 rue de la Victoire, il y aura des journées consacrées droit et solidarité face à la répression policière. Pour s'inscrire, il faut compléter un formulaire d'inscription en ligne avec un code formation 2.répression 2022. Le mardi 22 novembre, donc de 18h à 21h au centre Librex encore, pourquoi faut-il résister aux GAFAM ? Pour tout le monde, à partir de 12 ans, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire obligatoirement, enfin c'est indispensable. Il y a une info, alors il faut s'inscrire via info@centrelibrex.be et il y aura un maximum de 20 personnes. Alors le 23 novembre 2022, de 14h à 16h au CBO, chaussée de Jette à 1090 Jette. Présentation de la nouvelle édition du livret pédagogique La propagande au ralenti numéro 2. C'est une analyse de la propagande coloniale d'hier et d'aujourd'hui. Pour réserver ou pour plus d'infos, vous pouvez lire, écrire à sarah@zintv.org. Donc, vous pouvez voir en ligne donc sur le site de zintv.org. Ensuite, le 23 novembre 2022, de 18h15 à 21h30, le DK, 70 rue du Danemark à 1060 Bruxelles. Et alors, les communs, comment ça se travaille ? Un extrait de C. Salambier, A. M. Mezoued, M. de Clèves, M. Kaufmann, M. B. de Clèves. Qui vont parler de la ville en commun. Alors, c'est la deuxième partie du cycle de rencontres sur l'idée des communs qui est initiée par les actrices et les acteurs du temps présent. Alors, ensuite, le 23 novembre 2022, de 17h à 22h, à La Croche, avenue de la Couronne, il y a une anti-coupe du monde partie. Alors, réapproprions-nous le foot. Donc, au programme, il y aura des jeux de footballistes clochettes. De jeu de la lucarne, crêpe de footballiste épuisé et des DJ sets. Le vendredi 25 novembre, ben, je vais m'arrêter là parce que la semaine prochaine, on est là, donc je ferai l'agenda la semaine prochaine. Donc voilà, maintenant on a terminé. 4 minutes, on a 4 minutes de plus, c'est bien. Donc on va dire au revoir à tout le monde. Encore merci à vous trois d'être venus. Et puis on se voit nous demain et on dit aux auditeurs à la semaine prochaine. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés et nous les invitons à venir nombreux le dimanche pour voir le match de football. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Vous êtes à l'écoute de... D'étranges annales. D'étranges annales.